Chapitre 6. Il y a quelques mois, une délégation officielle du conseil municipal se rendit, avec les ingénieurs de la ville de Paris, dans cette plaine que l'on avait choisie pour lieu d'irrigation derrière la forêt de Saint-Germain. Elle venait se rendre compte des travaux à exécuter, à décider en dernier ressort si on les entamerait. Vous n'êtes pas sans vous rappeler le récit que les journaux firent de cette visite. De toutes les communes voisines avaient afflué des conseillers municipaux armés de protestations énergiques, des paysans affolés de terreur ou furieux de colère, qui montraient le poing aux ingénieurs, qui déclaraient qu'ils ne se feraient pas faute de culbuter le premier tuyau d'irrigation que l'on poserait. Ce fut un déchaînement universel. Les délégués du conseil municipal de Paris ne savaient à qui entendre et ils restaient stupéfaits de ces violences qui leur paraissaient très déraisonnables. Ils arrivaient de la presqu'île de Gennevilliers. On les avait promenés à travers ce spectacle que je vous ai décrit dans les précédents chapitres. Ils avaient pu se convaincre, ayant comme nous des yeux et un nez, que les eaux d'égout versaient sur toute cette presqu'île la fertilité, la richesse et la santé. On leur avait même fait cette politesse, qui est à présent une des cérémonies traditionnelles de la visite de Gennevilliers, de leur offrir à boire, à son lieu d'évacuation, l'eau épurée, la même eau qu'ils avaient vue 5 minutes auparavant se dégorger par les tuyaux d'arrosement noirs, sales, chargés de détritus et malodorantes. Ils en avaient bu, non sans une légère grimace, et ils l'avaient trouvée excellente. J'en ai bu comme les autres. Les habitants de Gennevilliers la préfèrent à présent pour tous les usages domestiques à l'eau de Seine. Et ils ont raison, car cette eau n'est pas seulement agréable au goût, elle est conforme aux données de la science. Elle a subi l'analyse de M. Pasteur, qui a reconnu qu'il n'y en avait pas de plus saine, de plus nette, de plus exempte de microbes. Ces messieurs étaient donc ravis de tout ce qu'on leur avait montré. Vous imaginez leur étonnement à voir se produire ces inexplicables effervescences d'opposition sans motif. Et quoi, se disait-il, tous ces gens-là habitent à 3 ou 4 lieues de Gennevilliers, il n'y en a pas un qui n'eût pu, en une demi-journée, se rendre compte du changement heureux apporté dans le pays par le nouveau système d'épuration. Aucun n'a pris cette peine, aucun n'a étudié sur le vif une question qui les intéresse si fort. Voilà qu'il réédite les réclamations que nous avons entendues il y a 16 ans avant toute expérience faite. Quelle chose étrange que le préjugé! Les ingénieurs me permettront-ils de le leur dire? Ils savent admirablement calculer les forces naturelles. Il y en a une dont ils n'ont jamais mesuré l'énergie, c'est celle de la bêtise humaine. Ils ne la font pas entrer en ligne de compte. Ils ont tort. Ils eussent pu joindre à leurs travaux scientifiques une petite brochure bien simple, bien claire, bien probante, qu'ils auraient répandue par milliers dans le département de Seine-et-Oise. Ils eussent dû organiser des conférences dans les localités que leur projet ne pouvait manquer d'effarer. Ils eussent dû, surtout, tenez, cette carte que j'ai là sous les yeux, une carte extrêmement bien faite, où la disparition des eaux d'égout avec tous les accessoires qu'elle comporte est marquée de la façon la plus saisissante. Eh bien, cette carte, il eût fallu en inonder la contrée. Je n'en dois la communication qu'à l'obligeance de M. Alphand, qui a bien voulu m'en délivrer un exemplaire. Mais on aurait dû la donner à tous les propriétaires du pays. Que dis-je ? Il eût fallu la mettre, sur grand modèle, dans toutes les écoles primaires et charger les instituteurs de l'expliquer aux enfants. Ah, messieurs les gens de science, s'imaginent qu'il n'y a qu'à exposer des faits sous les yeux des hommes pour les convaincre. Quelle erreur ! Mais voir un fait, le voir comme il est, en tirer les conséquences nécessaires et les adopter alors même qu'elles contrarient une idée préconçue, c'est une des besognes les plus difficiles qu'il y ait au monde. Les esprits les plus cultivés en sont seuls capables, et encore faut-il qu'ils fassent effort sur eux-mêmes. C'est l'imagination, cette décevante maîtresse d'erreur qui tourne les têtes des hommes. Il suffit d'un mot, mais quel mot ? Un mot terrible, celui de « dépotoir » pour démontrer tous les raisonnements du monde. « Ah, l'on veut faire de notre pays un dépotoir !» Mais il n'est pas question de cela. Nous ne souffrirons jamais un dépotoir à nos portes. Mais point du tout, puisqu'au contraire, c'est pour nous empoisonner, n'est-ce pas? Un dépotoir? Jamais de la vie, nous voulons. Nous mourrons comme des mouches. Un dépotoir! C'est la tarte à la crème du marquis de Molière, car on trouve tout dans ce Molière. Le croiriez-vous? Parmi les plus enragés se trouvaient des habitants de Saint-Germain qui pleuraient déjà sur leur fameuse terrasse désertée. Or, Saint-Germain est séparé de la plaine d'épuration par 8 km de forêt et à 3 mètres, disons 10 si vous voulez, à 100 si vous aimez mieux, eh bien à 100 mètres, il est impossible à n'importe quel nez de percevoir n'importe quelle odeur émanée des champs soumis à l'irrigation. En vain, on disait à Saint-Germain, la Seine roule au pied de votre colline un limon chargé de matières organiques. C'est cette eau-là que vous buvez. Nous allons, en jetant là-bas bien loin, derrière vous, les eaux d'égout qui la souillent, vous la donner claire, limpide, sans odeur. Vous n'avez qu'à gagner au change. Un dépotoir ! S'écriait-il. Mais, reprenait-on, toute cette plaine est inculte. La forêt de Saint-Germain s'arrête à la lisière, et les maigres taillis qui poussent sur ce sol stérile forment une si laide promenade que personne ne s'en sert. Ce sont là des pays perdus, et pour la culture, et pour l'agrément. Nous allons les transformer en gras pâturage, en jardins maraîchers, en terres à céréales même, car l'engrais de l'eau d'égout, quoi qu'en dise le préjugé idiot, est tout aussi bon au blé qu'au chou et au navet. Un dépotoir, répétait-il. Et jamais ils ne sont sortis de là. Et il faudra 10 ans d'expérience heureuse pour les convaincre. En somme, dit le rapport de M. Duranclet, quel sera le résultat des travaux de la ville de Paris? De substituer à quelques bois chétifs et aux maigres cultures que chacun peut voir le long du chemin de fer de Conflans en traversant Achères, de vastes prairies luxuriantes qui favoriseront le développement de l'industrie laitière. Y a-t-il rien là qui soit de nature à déprécier les centres de villégiature des rives de la Seine, entre Maison, Saint-Germain et Poissy? En quoi le voisinage de riches pâturages pourrait-il leur nuire? Et n'y aurait-il pas, au contraire, dans l'extension de l'industrie du laitage à la porte des villas et des châteaux, de nouveaux éléments d'attraction? Un dernier mot en dira plus que tout le reste. À Gennevilliers, l'hectare de bon terrain, de terrain agricole, se louait de 100 à 150 francs avant les irrigations. Il se loue à 7 heures de 300 à 500 francs, c'est-à-dire que le propriétaire a doublé et même triplé le prix. La ville de Paris n'a pas pour le moment d'autre objectif que de se débarrasser de ses eaux d'égout sans infecter le fleuve et ses riverains. Elle espère bien, dans un demi-siècle, en tirer un revenu considérable quand les préjugés auront été vaincus. Ainsi, dans le premier projet des ingénieurs, l'aqueduc de 12 km, aqueduc souterrain et couvert, qui doit porter en ligne droite les eaux d'égout de la machine élévatoire de Clichy sur les derrières de la forêt de Saint-Germain, devait être pourvu sur la route de nombreux branchements. On aurait pu distribuer sur le parcours l'eau fertilisante à qui l'eût demandé. Ce sont les communes traversées par l'aqueduc qui ont aveuglément, absurdement, stupidement réclamé. Les ingénieurs ont supprimé les branchements de leur plan primitif. Dans 10 ans, elles se jetteront aux genoux de l'administration pour en avoir, et elles seront obligées de les payer. Quelque extension que puisse encore prendre la ville de Paris, l'épuration intégrale de toutes les eaux d'égout est assurée pour plusieurs siècles grâce à ce projet. M. Duranclet croit même que l'on pourra, quand il sera exécuté, verser directement à l'égout toutes les matières de vidange qui prendront le même chemin. Mais ça, c'est une autre question qui demanderait de longs développements et qui ne pourra être utilement abordée que lorsque les champs d'épuration fonctionneront aux environs d'Achères comme dans la presqu'île de Gennevilliers.